question d'enrichir notre culture générale, nous aimerions bien connaître quelques connaissances de base en chimie, en anatomie, en psychologie ou en génétique, sur leur cerveau, pourquoi pas sur la Grèce antique, ou sur des personnages qui ont marqué l'histoire des sciences, comme Einstein, Newton, ou même Stephen Hawking, qui vient tout juste de décéder. Mais nous n'avons pas toujours le temps de nous lancer dans une lecture approfondie de tous ces sujets-là. Alors, il y a une collection de livres édités au Québec par Urtubiz qui est faite justement pour ça. Pour chaque sujet, le livre s'intitule « L'anatomie en 30 secondes »,« Einstein en 30 secondes », etc. Cette collection existe depuis 2011 et deux nouveaux titres sont parus en ce début d'année. « L'énergie en 30 secondes » et « Les grandes inventions en 30 secondes ». Valérie Levé va nous présenter ces deux livres-là. Effectivement, alors comme toute la collection, ce sont des livres de format carré d'environ 150 pages, des livres très illustrés, donc la facture visuelle veut être tout sauf assommante. Les textes sont assez courts et présentent un concept ou une invention en 30 secondes sur une page. Et sur le côté, il y a des petits paragraphes qui sont intitulés « Condensé en 3 secondes »,« Réflexion en 3 minutes ». Et sur l'autre côté, il y a des microbiographies de scientifiques ou d'inventeurs. Puis il y a aussi des glossaires qui donnent quelques définitions. Alors bien sûr, les livres sont structurés en chapitres pour avancer dans les différentes formes d'énergie ou pour découvrir les inventions dans les différents domaines scientifiques ou technologiques. Donc, si on chemine dans le livre « L'énergie en 30 secondes », on va y lire quoi? Alors, on va avoir un premier chapitre sur les différentes formes d'énergie de façon théorique, donc l'énergie cinétique, l'énergie nucléaire, la chaleur également. Et on va avoir, par exemple, une présentation, si on prend l'énergie nucléaire, on va voir l'énergie nucléaire d'un point de vue théorique en 30 mm-hmm. secondes. Puis sur le côté gauche du texte, on a un petit condensé en 3 secondes, en fait, c'est deux lignes qui nous dit que l'énergie nucléaire assure la cohésion des atomes et en dessous, une réflexion en 3 minutes. Alors, en fait, c'est en 3 minutes, mais ça ne prend pas 3 minutes pour le lire. C'est vraiment très court également, qui fait un lien entre l'énergie et la masse. Donc, en fait, ça prend 30 secondes à lire, mais c'est la réflexion qui va peut-être nous prendre un peu plus de temps. Et sur le côté droit du texte, on a une présentation rapide de deux physiciens qui ont participé de façon assez importante à toutes nos découvertes sur le modèle atomique. Donc, dans le cadre de l'énergie, il s'agit des physiciens Enrico Fermi et Ernest Rutherford. Mm-hmm. Et puis, les autres énergies sont présentées sur le même modèle. Et ensuite, on rentre dans les autres chapitres. Là, on a donc acquis les bases et on rentre dans les chapitres suivants où on redécouvre l'énergie, mais dans l'univers, par exemple, donc l'énergie nucléaire dans les étoiles, aussi l'énergie dans la nature, avec la gravitation, la photosynthèse chez les plantes. Et dans les chapitres suivants, ils sont consacrés à des concepts de stockage de l'énergie, de la conversion de l'énergie et puis les énergies qu'on dit vertes. Alors, il y a beaucoup de concepts et d'informations qui sont présentés brièvement. C'est bien pour donner des connaissances de base. On n'a d'ailleurs pas toujours besoin d'en savoir beaucoup plus dans la vie de tous les jours. Par contre, je trouve que les divisions des chapitres sont un peu artificielles et décousues. Par exemple, le deuxième chapitre s'appelle « L'énergie naturelle ». Ce qui laisse suggérer qu'il y a des énergies qui ne sont pas naturelles. Or, toutes les énergies sont naturelles, mais c'est l'utilisation que l'homme en fait qui n'est peut-être pas naturelle. Mais il n'y a pas d'énergie non naturelle. Et le livre sur les grandes inventions? Alors, il nous fait découvrir toutes sortes d'inventions. Par exemple, sur les matériaux comme le verre, le ciment, le papier. Ensuite, il y a des inventions en transport, en santé, en communication, en ingénierie, en économie. Donc, c'est assez... Ça couvre large. C'est ça. Ça couvre large. Puis, les inventions sont donc présentées sur le même modèle, avec un survol en 30 secondes, un condensé en 3 secondes, une réflexion en 3 minutes et une microbiographie des inventeurs. Alors, on parle d'inventions comme la roue, qui est utilisée dans les transports, mais aussi dans les tours des potiers. Mmh, c'est vrai, c'est la même. Ben oui, exactement. On parle d'inventions apparemment insignifiantes comme le clou. Mais il fallait y penser. J'avoue, ça sort de où? C'est ça exactement. Là, je ne dis pas. Il faudra aller lire le livre. En santé, bien sûr, on parle d'inventions comme la vaccination, l'anesthésie. En économie, on parle aussi de monnaie de papier. de la carte de crédit, donc des objets de consommation courante, mais finalement, quand est-ce qu'on a commencé à utiliser des billets de banque? Bonne question, oui. Oui, hein? Alors, la réponse, je vais vous la dire, celle-là. Donc, apparemment, ils étaient utilisés au 7e siècle déjà en Chine. C'est Marco Polo qui s'en est aperçu, qui est revenu et qui dit là-bas, on utilise des billets de papier. Donc, on découvre aussi une forme de chauffage central chez les Romains. Tu connais ça? Tout à fait. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Brièvement, oui. Oui, c'est ça. Donc, bien sûr, le livre passe aussi à travers des inventions plus tangibles comme la radio, l'imprimerie, la calculatrice, l'automobile, le pneu et bien d'autres. Et finalement, c'est plein d'anecdotes sur les grandes inventions, plein d'anecdotes qui attisent notre curiosité, qui nous incitent un peu à tourner les pages. Et personnellement, je le trouve plus pertinent que le livre sur l'énergie en 30 secondes. Et une dernière petite question. Est-ce que c'est des livres qu'on peut lire sur la table de chevet, qu'on feuillette de temps à autre? Oui. C'est pas nécessairement une lecture continue. Exactement, parce qu'en fait, c'est sûr que les concepts initiaux dans le livre sur l'énergie, on va les retrouver plus tard, mais ça peut se lire de façon décousue. Puis celui sur les inventions, c'est sûr que si on lit l'invention sur le clou, on n'a pas besoin de lire cette invention pour lire l'invention sur l'hélicoptère, sur l'imprimante. Ça se comprend tout seul. C'est ça. Puis il y a toujours plein de petits encadrés ou même les définitions, les glossaires, donc on peut feuilleter en buvant son café. Puis une lecture légère, mais très intéressante. Voilà. Exactement. Donc, deux livres, L'énergie en 30 secondes et Les grandes inventions en 30 secondes, paru aux éditions Urtubiz, pour se plonger sans peine dans la science. Merci beaucoup, Valérie. C'est rien.